Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 40e épisode de Ludologie. Et aujourd'hui, nous allons interroger la notion d'auteur dans le jeu. Et pour parler de ce sujet riche en débat, nous allons interroger quelqu'un que je vais laisser Adrien présenter. Peut-être que les fans de podcast le connaissent, parce qu'en plus il est passé dans Ludologie. Il s'agit de Mehdi Debabi Zourgani. Alors vous l'aviez entendu avec moi-même d'ailleurs sur la notion de d'élégance. On avait beaucoup dérivé d'ailleurs, ça avait fait grincer certes quelques dents, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même un podcast assez intéressant sur une autre culture, la culture principalement nippone. Et on va un peu revenir dessus avec la notion d'auteur, puisque Mehdi est aussi l'auteur d'un livre qui va apparaître très prochainement sur le game designer Suda 51, un auteur donc japonais. Mais je vais peut-être laisser présenter ton travail sur cet auteur et donc la biographie qui va bientôt sortir. Eh ben, bonjour à vous deux, Fanny et Adrien, merci pour l'invitation, j'ai vu de la lumière donc je suis revenu. Comme tu dis Adrien, effectivement un bouquin à paraître, une biographie qui est coécrite par Florent Gorge et moi-même, qui sortira aux alentours de la mi-février, comme ça par le game designer et également patron de sa propre boîte Grasshopper Manufacture qui est Suda 51, Goichi Suda. Voilà, que dire d'autres, je suis aussi, comme tu l'as dit, on a habitué des podcasts, vu que le podcast que j'ai co-créé avec mon ami Olivier, Je Game Moi Non Plus, a fêté ses 5 ans il n'y a pas très longtemps. Ça passe très vite. Et puis voilà, d'autres petites occupations principalement qui tournent autour du jeu vidéo, d'animation, d'émissions web TV, etc., etc. Des écritures d'articles, de ci, de là. Voilà, globalement, si ça répond à peu près à ta question, j'espère. Oui, et alors on va profiter aussi de cette partie un peu introduction pour introduire justement toi, l'auteur que tu as suivi, qui est donc Goichi Suda. Qui est-il ? Que fait-il ? Quels sont ses réseaux ? Alors déjà, c'est un game designer de jeux vidéo, déjà, je pense qu'on peut déjà le préciser. Mais qu'est-ce qu'il fait comme jeu vidéo, justement ? Alors, on le connaît surtout les jeux les plus emblématiques qui sortent de manière le plus souvent, ça va être Killer 7 pour son parti pris surtout graphique très tranché. Ensuite, d'un point de vue pas forcément commercial, mais en tout cas pop culture et culture otaku plus précisément, on va citer No More Heroes, qui est un jeu qui est un croisement, on pourrait dire, entre le cinéma d'hyperviolence de Tarantino, teinté de Star Wars, que le héros a un sabre laser, et de, comme je disais, de culture pop. Et puis celui qui est finalement peut-être qui a eu le plus de diffusion globalement, et pas que chez les joueurs de jeux vidéo, parce que ça a été le plus grand succès commercial, c'est le jeu Lollipop Chainsaw, dans lequel on incarne une pop-up girl armée d'une tronçonneuse, rien que ça, qui doit faire face à une invasion zombie. Donc rien que dans le résumé, vous avez un petit peu un résumé des codes et de la façon dont ils peuvent fonctionner. Et puis petite anecdote, toujours teintée de pop culture, je l'explique parce que c'est pas gratuit, j'y reviendrai sûrement après. Il a collaboré avec James Gunn, qui est le scénariste récemment à succès hollywoodien sur les Gardiens de la Galaxie, dont il a signé le premier opus et qui s'est occupé de l'adaptation de l'écriture à la sauce, on va dire, un peu plus hollywoodienne des dialogues et du scénario en règle générale. Voilà, ça a peut-être son importance sur la façon d'être des œuvres peuvent avoir un certain marqueur et qu'un auteur des fois peut être aussi un agglomérat de personnalités. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus après. Et le dernier détail, comme j'ai dit en introduction, c'est que Suda 51 est le patron de sa propre boîte, en plus justement d'être d'être donc directeur, comme on dit en langage anglo-saxon, ou réalisateur, ou ça c'est selon, c'est toujours un sacré casse-tête. Ça aussi, on en parlera peut-être, les appellations justement des postes jeux vidéo, surtout dans leur traduction française. Donc il y a une casquette de plus qui est qu'il est effectivement responsable de sa société, en plus de créer les jeux derrière lesquels il est avec ses équipes. Voilà. Et du coup, quand tu as travaillé là pour faire la biographie donc de Gosho Suda, est-ce que tu t'es retrouvé à devoir interroger un peu la notion de dans quelle mesure il est auteur de ces jeux, parce que là on parle d'un game designer, voilà, au niveau du droit d'auteur, la limite parfois entre l'hommage, l'inspiration, le plagiat aussi, voilà, est-ce que c'est des notions que t'as dû sur lesquelles t'as dû travailler pour écrire tout ça? Alors oui et non, c'est-à-dire que pour être tout à fait transparent, c'est des éléments que je n'ai que partiellement intégrés dans l'ouvrage, pour des raisons, je dirais, de clarté, pour faire simple, sachant que l'ouvrage s'inscrit aussi chez une maison d'édition qui est bien connue des joueurs de jeux vidéo, qui s'appelle Pixel Love, et qui a la réalité déjà de faire un ouvrage, je dirais, biographique, quand je dis accessible, c'est pas au sens réducteur du terme, hein, mais qui puisse être lu potentiellement, pas forcément que par des joueurs, et ce terme que personnellement j'exècre, des hardcore gamers pas tentés. Le truc, ce qui est un paradoxe, hein, quand je dis ça alors que j'ai quand même écrit sur un type qui se revendique beaucoup de la culture otaku et d'un certain hardcore gamisme, mais c'est pas grave, j'aime bien cultiver les paradoxes. Et pour essayer de finir de répondre à ta question au lieu de dire des bêtises, j'y ai pensé, évidemment, c'était au centre de mes interrogations, mais il y a eu, je dirais, deux barrages. Donc le premier que je viens de citer, qui sont la ligne éditoriale de Pixel Love, où je ne voulais pas trop encombrer, sachant que le livre est déjà très dense, vu que il a eu une vie avant même la création de cette société et Grasshopper, dans un autre studio qui a eu ses heures de gloire au Japon, notamment sur la Super Famicom, donc Super Nintendo, qui s'appelait Human. Et donc déjà ça commençait à, on va dire, à faire un bouquin assez dense, donc il y a des choses que j'ai laissées de côté. Et l'autre problème auquel j'étais confronté, qui est assez typiquement japonais, sans trop verser dans le cliché, je développerai si on en a le temps, c'est la question de la validation de notion d'auteur est très complexe au Japon. C'est-à-dire que déjà les Japonais sont toujours avec des yeux tout écarquillés quand on vient les voir pour leur dire on aimerait faire un sujet sur vous en tant que créa. Bon, jusque là c'est une interview classique, pourquoi pas, c'est du business. Mais si en plus on leur dit on vient accoler des notions de créativité, d'autorat, des choses comme ça, alors là ils se disent, ah bon, moi, comment est-ce possible, etc. Donc, même si lui est un petit peu plus funky dans sa posture, c'est vrai que ça restait une forme de barrage de l'amener sur la notion d'auteur, parce que c'est quelque chose qui déjà socioculturellement, pour faire un gros mot, est pas forcément admise, hein. En règle générale, les Japonais attendent plutôt que ça soit l'Occident qui valide une certaine dimension d'auteur ou de dimension artistique dans un objet qui vient de leur pays, et particulièrement le jeu vidéo. Donc voilà, il y a déjà cette dimension complexe-là qui n'aidait pas trop. Et alors, on a évoqué la notion d'auteur, mais avant de passer à autre chose, j'ai envie déjà de te demander ta définition, toi, de la notion d'auteur, et donc pourquoi Suda 51 est intéressant plus que d'autres? Il est intéressant à deux niveaux. Bon, évidemment, je vais prendre une facilité pour définir la notion d'auteur, qui est celle qu'on a de l'héritage du cinéma, donc la fameuse politique des auteurs, qui elle-même s'inscrit aussi historiquement dans l'héritage qu'on tient de la mise en scène. Donc ils sont souvent d'ailleurs les deux amalgamés et donnent des gros soucis pour définir l'un et l'autre. Tout ça pour dire que finalement, qu'est-ce qui va définir un auteur? Certains vont s'accorder à se dire que ça va être une figure qui jouit d'une certaine aura, qui est reconnaissable. On aura notamment, pour le citer, notamment un article très intéressant qui essaye d'établir si finalement Suda n'était pas, contrairement à ce qu'on voulait bien lui accoler, cette figure de Quentin Tarantino, si finalement Suda 51 n'était pas plutôt le Alfred Hitchcock du jeu vidéo, plus que dans sa dimension reconnaissable, et aussi dans ce côté de l'art pour l'art, c'est-à-dire une création qui peut être vue de l'extérieur comme un côté complètement YOLO. D'ailleurs, la philosophie du studio de Soudat, grâce au peur, c'est Punk is not dead. Donc il y a toute une inspiration très très marquée, très aussi très adolescente, mais qui est aussi très séduisante dans le parti pris. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part, cette dimension. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, soit les plus jeunes, ceux qui s'intéressent pas forcément à la culture punk, hein, le leitmotiv de la culture punk, c'est No Future. Donc c'est déjà ça, moi, qui m'a vraiment séduit dans la personnalité de base, au-delà de ses productions. Et c'est peut-être même, ironiquement, ce paradoxe. Pour essayer de préciser, c'est que je vous ai évoqué toute cette dimension très teintée de pop culture, et en même temps une posture aussi, extrême, et même d'un point de vue, on pourrait aller jusqu'à dire, de point de vue de là et du politique, que la posture punk, d'une certaine manière. On sait toute la dimension contestataire qu'a représentée et que représente encore la posture punk hier et aujourd'hui. Et c'est ça, moi, finalement, qui m'a séduit, mélangé, et ça, ce sera peut-être le dernier point, s'il y a besoin d'éléments à compléter, faut pas hésiter, hein, mais mélangé à un héritage. Alors, il faut un petit peu plus connaître la scène vidéoludique japonaise, et tout particulièrement indé, mélanger à un héritage de certains créatifs japonais qu'on cite très très peu. Alors, il y en a un que je vais citer qui est un peu un chef de file, qui s'appelle Kenji Eno, qui est un petit peu représentatif de cette scène. Il est décédé malheureusement à l'âge, je crois, de très jeune, hein, de 41 ou 42 ans, en 2003, si je dis pas de bêtises. Et ce type là, bon, au-delà d'avoir signé des jeux très atypiques comme Enemy Zero, etc., était un chef de file pour beaucoup de créatifs japonais. Et la notion d'indé, justement, au Japon, elle est encore très balbutiante. Donc c'était intéressant de voir qu'il y a beaucoup de créatifs, Suda 51 en fait partie, qui ont été un peu adoubés, soit directement, soit indirectement. Par exemple, il faut savoir, pour faire un dernier name dropping pour la route, que Fumito Ueda, donc le créateur de la trilogie Ico Nico Trico, donc connaît sous le nom de Ico, Shadow of the Colossus, et récemment l'Arlésienne qui a pris fin, Last Guardian, et a été adoubé entre guillemets par ce Kenji Eno. Et ça j'y reviendrai peut-être après sur la dimension tout particulièrement japonaise, tout ce paradoxe là de la reconnaissance d'une dimension indépendante qui est très très compliquée au Japon, dans le monde et la culture du travail. La dimension d'indépendance, la posture même d'être indépendant, de faire quelque chose qui n'est pas dans, on va dire, une boucle de travail et de hiérarchie, c'est très complexe encore aujourd'hui. Et donc, si je reprends un peu, s'il fallait donc définir l'auteur, tu as parlé d'art, de créativité, d'aura, et aussi le fait d'avoir la reconnaissance. Donc tous ces éléments-là, si je te suis bien, te permettre de définir en fait le ce qu'est pour toi l'auteur de jeu. Alors ça peut en faire partie, et c'est pas du tout pour faire une, entre guillemets, une échappée belle, mais ça peut être aussi les éléments que tu viens très bien de résumer, peut-être aussi parfois pris isolément. Ça peut être un seul de ces traits-là pris isolément et parfois poussé à l'extrême. Mais en général, ce qui va vraiment trancher, c'est le fait, je dirais, une dimension qui va faire en partie abstraction des logiques économiques, par exemple d'un domaine, dans le cinéma, par exemple un réalisateur assez emblématique à ce niveau-là, ça a été Jacques Tati. Et Jacques Tati, ça a été pour deux raisons: un, parce qu'il avait sa propre vision de son cinéma, et deux, parce que ses films coûtaient ridiculement peu cher. Ce qui est assez intéressant. Suda 51, il est un peu dans cet élan-là, c'est-à-dire ces jeux, à quelques rares exceptions près, ne sont que très difficilement possible à ranger dans les canons de ce qu'on appelle les triple A, donc les productions très haute qualité. C'est comme ça qu'on définit les jeux de calibre supérieur, avec un ensemble et des finances qui vont avec pour les équipes. On va pouvoir parler de double A ou de choses comme ça, mais pas de triple A. Donc il y a toutes ces logiques là qui rentrent en compte, et surtout je dirais presque, qui fait ses jeux pour lui. C'est pour ça que je parlais de Fumito Ueda tout à l'heure, le chef de file de la trilogie Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian, parce que d'une certaine manière, il n'attend pas nécessairement, on va dire, un feu vert d'un point de vue créatif. Il est force de proposition. Et il tient aussi, c'est pour ça que le développement de ces jeux, ça frôlait l'indécence pour des investisseurs, ont été aussi longs. C'est parce qu'il a réussi à tenir le cap sur ses processus créatifs. Chez Suda, il y a ça mélangé aussi à des, on va dire, à des processus de création qui sont... C'est pour ça que je dis vraiment qu'il y a une posture paradoxale qui m'a séduite chez Suda 51, avec finalement la production de la logique... économique plus mainstream. C'est-à-dire que c'est un type, bon, ces jeux ne sont rarement des arlésiennes, ils durent un certain temps de développement, mais c'est pas non plus des jeux qui n'en finissent plus de ne pas sortir. Il y a eu des temps d'espace entre les jeux, mais en généralement c'était plutôt des remaniements structurels de la société qui, par exemple, s'est fait racheter il y a quelques années par un autre gros groupe qui s'appelle Gunho, qui est derrière le plus gros succès de, comment on appelle ça, de free-to-play, qui est Puzzle & Dragon. Et là, oui, évidemment, il y a eu un temps, je pense, d'adaptation dans les process de création, mais globalement, voilà, il en fait abstraction. Ça se voit dans ses créations qui sont à la fois extrêmement personnelles et en même temps sont dans des logiques de marché qui reflètent une certaine culture populaire. Donc voilà, c'est ça finalement qui est peut-être qui se dénote le plus de ce créatif là. Je vais me faire l'avocat du diable, comme j'aime beaucoup le faire dans l'idéologie, mais est-ce vraiment comparable les jeux d'un petit développeur dans une masse de développeurs? Est-ce vraiment comparable à un coup de pinceau d'un grand maître, au cadrage d'un Hitchcock, à Jacques Tati, hein, voilà. Est-ce vraiment comparable? Et alors pourquoi c'est comparable si ça l'est? Mais pourquoi c'est comparable? Parce que ça sort entre guillemets, ça sort du cadre. Après, je ne vais pas rentrer dans des détails de, je dirais, de tout ce qui est analyse symbolique, même si c'est très repérable, et même de ce que j'ai pu échanger avec lui directement, ce sont aussi clairement des sources de travail, parce que bon, le bonhomme, j'ai envie de dire, les Japonais entre guillemets lambda citent rarement du Godard, parce que déjà leur propre cinéma d'auteur, ils le connaissent pas, alors le cinéma d'auteur français, n'en parlons pas. Mais sans être forcément avec une vision un peu réductrice du public de cinéma japonais, oui, moi j'oserais dire que oui, parce que il y a quand même des choses visuellement qui, je pense, rentrent dans son champ de vision, mais pas forcément avec prétention. Je vais essayer de donner un exemple concret, ce sera beaucoup mieux. Moi j'ai repéré, et ça aussi par exemple pour un peu continuer de répondre à Fanny tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'ai malheureusement pu autant développer que je voulais dans l'ouvrage. J'avais repéré, donc il faut savoir que Suda 51 a une grosse obsession de par son studio pour la dimension design et les visuels de ses jeux. C'est des jeux qui visuellement sont très marqués, hein. Killer 7, c'est le chef de file, et c'est un jeu qu'on reconnaît vraiment au premier coup d'œil. Pourquoi je dis ça? Il a eu toute une obsession historiquement dans ses jeux pour les fenêtres, les interfaces, notamment un système qu'il avait appelé sur un de ses jeux dit des fenêtres actives, donc avec une certaine dynamique, une certaine animation par moment, et ainsi de suite. Et moi, dans mon analyse, forcément, avec mon prisme, justement, pour reprendre le tien, est-ce que ça vaut le coup d'un coup de pinceau d'un grand maître ou que sais-je, moi j'avais clairement vu des parallèles avec du Hopper par exemple, dans sa façon de traiter les cadres, dans sa façon de voir le découpage, etc. Et ça m'a pas beaucoup surpris, parce que moi-même dans mon cheminement, ma réflexion, j'ai appris de fil en aiguille que Hopper était lui-même inspiré, avait beaucoup inspiré Wim Wenders, donc le cinéaste, et coup de bol, si on peut dire, Suda 51, c'est un de ses réalisateurs emblématiques, et on retrouve beaucoup de symbolique et beaucoup d'éléments, même de mécaniques de jeu, qui sont à l'œuvre, inspirés effectivement de Wim Wenders. Et moi, je lui avais demandé benoîtement pendant les interviews, est-ce que vous connaissez Hopper, et je lui ai fait découvrir Hopper. C'est-à-dire, moi j'étais persuadé, ne serait-ce que dans les grands tableaux qu'on connaît tous et toutes qu'on a enfin un plus ou moins dans l'œil, hein, même si pour l'avoir vu, je sais pas, dans une affiche plastifiée en vente dans les métros des grandes villes, par exemple, on l'a dans l'œil, on se dit oui, on voit, c'est ce type-là, mais lui ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Donc il y a des recroisements, pas forcément là où on les trouve. Donc oui, je pense que dans sa créativité, c'est intéressant de voir qu'il a véhiculé quelque chose d'un artiste entre guillemets légitimé et reconnu qui était Edward Hopper, j'ai même poussé le truc à me dire grâce Hopper ça venait peut-être de là, mais bah, rien à voir, vous voyez, comme quoi c'est moi qui étais trop dans le capillotracté. Et finalement, si, je pense qu'il y a des choses qui ressortent d'une créativité d'auteur qui se rapproche de quelque chose d'un art pour l'art avec une vision qu'on tient jusqu'au bout. Voilà, je sais pas si ça répond un peu à ta question, si ça rajoute au contraire quelque chose de plus complexe. Non, ça va. C'est plutôt pas mal, hein, je t'avoue. Ouais, moi, ça me lance sur un... Alors, c'est annexe sur un peu tout ce qui est notion de ludographie, de savoir citer, en fait, là où on s'inspire. Et je sais pas du tout, en fait, si dans le jeu vidéo, ça se fait. Ça m'est arrivé de voir ça dans des livrets de GDR, il me semble, mais c'est très lointain, où voilà, il y avait des références en fin de livret à d'autres jeux qui avaient inspiré, en fait, l'auteur de ce jeu de rôle, soit au niveau des tables de jeu ou des règles ou de l'histoire. Et je me dis, au niveau du jeu vidéo, est-ce qu'il y a cette notion de bah, comme tu dis, hein, il y a l'inspiration, il y a l'hommage, et dire où ils ont pu piocher toutes ces petites idées qui peuvent constituer leur jeu à eux seuls. C'est une bonne question, mais au-delà des notices, je pense que ça va plutôt être des éléments qui vont être identifiables dans les expériences de jeu elles-mêmes, et non pas forcément dans la dimension des livrets, encore moins maintenant, parce que si on a un minimum joueur de jeux vidéo, on sait qu'il n'y en a plus, comme ça règle le problème. Mais blague à part, au-delà de la dimension, je dirais, de l'allusion et de l'hommage, une référence vraiment vraiment claire. Alors il y a parfois de l'autoréférence, parce que c'est aussi un autre élément que j'ai pas cité, mais quelque chose qui pour moi définit l'auteur à des périodes différentes, que ce soit celle que j'ai citée un peu plus haut du cinéma ou aujourd'hui du jeu vidéo, c'est aussi la propension du créatif à créer un univers. J'avais cité tout à l'heure effectivement Jacques Tati. On peut voir aussi des grands auteurs de littérature, je pense par exemple, j'en sais rien, j'aime bien l'exemple de Cervantes, par exemple, l'auteur de Don Quichotte, parce que finalement c'est clairement une, pour ceux qui ne savent pas, il y a un côté, j'en dis pas plus, mais il y a un côté poupée russe dans l'ouvrage de Don Quichotte qui est très intéressant. De même pour Jacques Tati, c'est tout le paradoxe, parce qu'au moment de ses heures de gloire, il se défendait de reprendre un gimmick d'un personnage humoristique qui aurait repris les traits de Don Camillo, qui était lui-même justement une référence très connue et très humoristique de l'époque. Et finalement, il a son personnage de Hulot qu'on retrouve régulièrement dans la plupart de ses films à succès. Ce qui peut-être fait la différence au niveau du jeu vidéo, c'est que, et la pop culture au sens large, c'est que maintenant c'est inscrit dans une dynamique créative. Ce que je veux dire par là, on a tous les termes qu'on connaît plus ou moins, que sont le transmédia. Au Japon, on va appeler ça par exemple le media mix. C'est des trucs qui ont épousé le processus créatif et commercial, au sens où faire de la référence, voire de l'auto-référence, c'est quelque chose qui est dans l'ADN des œuvres. Par exemple, on a un exemple tout bête dans le jeu No More Heroes. Il y a un truc assez rigolo, pour qui est réceptif à l'humour pipi caca, les phases de sauvegarde du héros se font par toilette interposée. Donc en gros, le héros s'assoit sur le trône, et on a l'écran de sauvegarde qui s'ouvre sous forme de rouleau de papier toilette qui masque habilement son anatomie. Et y a une séquence du jeu qui, à un moment, on croit qu'on est tranquillement justement s'occuper, à faire sa petite affaire, je parle de sauvegarder bien sûr, c'est le qu'on a l'apparition d'un personnage qui s'appelle, enfin qui ressemble très fortement à un personnage qui s'appelle Garcian, qui lui-même est le héros entre guillemets du jeu Killer 7. Donc on a des dynamiques internes, mais qui sont voilà de l'ordre du caméo, de la référence, de choses comme ça. Après, dans ta question, je sais pas jusqu'à quel point, dans l'exemple que tu prenais des jeux de rôle, est-ce que ça avait une implication dans les dynamiques même des jeux, par exemple. Alors oui, effectivement, je vois où Fanny veut en venir sur ce point-là, et bien, typiquement dans les jeux de notre camarade Manuel, en début, il dit voilà, ce jeu est inspiré de tel univers, tel jeu, etc. C'est assez frontal, et on retrouve ça, par exemple, dans Apocalypse World. En tout cas en jeu de rôle, mais alors il y a cette dimension là effectivement de la référence, de l'inspiration, mais il y a aussi une autre question que tu voulais poser, Fanny, qui est sur la ludographie, vraiment de terme bibliothécaire. Je te laisse peut-être exprimer. Oui hein, parce que je suis bibliothécaire moi à la base, donc on a les travers de son métier, et même voilà, si je veux utiliser vraiment le vocabulaire barbare qu'on a hein, nous on a des normes de catalogage avec des normes AFNOR, donc c'est, voilà, c'est passionnant, hein, on s'en doute. Le vertige de la liste, aurait dit Umberto Eco. Voilà, plus poétiquement. Hein, mais c'est ça, hein, les catalogueurs en bibliothèque, on aime bien donner un nom précis à chaque chose. Et c'est ça, le côté ludographie, c'est citer ses sources, donner une liste de ses inspirations, comme on pourrait faire dans un article scientifique. Hein, on met des notes de bas de page, tel élément, c'est citer tel auteur. Et voilà, c'est si ça s'était déjà vu dans le jeu. Non, là on n'est pas. Enfin, je vais parler de ce que je connais à peu près, à savoir donc Souda 51. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Non. On n'est pas du tout là-dedans parce que, comme je disais il y a quelques instants, déjà ces mécaniques-là, elles ont été complètement, je dirais, digérées par la logique économique et créative que sont le transmédia, le cross-média, le média mix, etc. Donc, qui ont plein de noms, qui sont des choses différentes. Hein, je précise, hein, en tout cas, le transmédia et le cross-média. Mais non, on n'a pas de référence explicite à des références, si ce n'est le travail, je dirais, journalistique quand il est bien fait, ou de critiques qui vont aller chercher les auteurs. Et c'est là tout le problème, parce que la démarche est encore extrêmement rare. Et ce que tu disais est assez intéressant, parce que ça m'évoque la fin assez, je dirais, tragique, pour être à deux doigts du mélo, d'une revue que je portais beaucoup, très cher dans mon cœur, qui s'appelait Games, qui était une revue donc de jeux vidéo, qui avait une très grosse emphase justement sur la notion déjà de réaliser des critiques vidéoludiques et non plus des tests, non plus des espèces de cahier des charges déguisées, l'impression de lire un automoto pour guide d'achat pour jeux vidéo. Et leur autre dada, et ça allait dans la même veine, c'était justement de réaliser des interviews d'auteurs et de vraiment lapsus parle de créatifs de jeux vidéo. Voilà, le lapsus, c'est que j'ai mis les pieds dedans complètement. Et malheureusement, le mag a connu le destin qu'on lui connaît, parce qu'il est il a cessé de paraître très rapidement, malheureusement, après sa création. Je crois quelque chose comme peut-être même pas 2 ans. Et voilà, non, il n'y a pas, pour finir de répondre à ta question, il n'y a pas ces allusions autres peut-être que dans les interviews, des références, et elles sont plus souvent dans le cas de Soudain 51 du côté du cinéma que du jeu vidéo, vraiment, sauf quand on va vraiment le chercher. Il peut parler de références assez étonnantes quand on voit son univers très sanguinolent et compagnie. Il va parler, par exemple, nous dire que ses deux jeux préférés, ça va être Another World d'Eric Chahi et Zelda Wind Waker. Donc, ce qui est assez intéressant quand on se fait une image d'un type comme un Tarantino, justement, pour continuer l'amalgame, c'est rigolo de voir que ses univers favoris sont très très colorés et un peu entre guillemets à l'opposé de ce qu'il peut produire. Mais son discours, lui, est justement très très cohérent là-dessus, parce qu'il a ce discours de sur le la dimension exutoire de cette hyper violence, de cette cette dimension punk, etc. Et ce jeu entre effectivement réalité et fiction, mais ça ne l'empêche pas, bah voilà, de d'adorer Zelda Wind Waker, qui est plus cartoony et mignonnet, choupinet, tu meurs. Je vais reprendre la parenthèse bibliothécaire, parce qu'il y a une vraie question que je me pose à propos des jeux, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société ou le jeu de rôle. C'est effectivement en termes de bibliographie. Quand on cite effectivement un livre et qu'on fait une bibliographie dans un ouvrage, on a des codes effectivement très précis, le nom de l'auteur doit être écrit comme ça, dans tel sens, etc. Avec le nom de l'éditeur, la date de parution, etc. Qu'en est-il des jeux ? Est-ce que toi, par exemple, dans ton ouvrage avec Florent Gorge, comment vous avez fait justement cette ludographie ? Parce que ça pose la question de quelle information on met en avant. Ouais, et là tu es vraiment sur un point qui à la fois me tient à cœur et en même temps un sac de nœuds pas possible. Comment dire ? Alors il y a plusieurs choses là-dedans. C'est, je pense que déjà il faut commencer à se préparer plus ou moins psychologiquement à perdre, je pense, énormément de données et d'éléments. Désolé, chers amis chercheurs. Sachant que, et je parle tout particulièrement du domaine vidéoludique japonais, sachant que malheureusement, déjà les créatifs ne sont pas immortels, hein, ça c'est la réplique Captain Obvious, on l'a vu avec le grand choc. Bon, je ramène beaucoup aux jeux vidéo, hein, je suis désolé, mais ma culture du jeu de rôle est beaucoup moins étendue, il y a peut-être des exemples, n'hésitez pas à me couper s'il y a des parallèles à faire, mais on a vu le choc qu'a pu provoquer la mort d'un Satoru Iwata, donc qui était figure de proue de chez Nintendo, qui, c'est intéressant justement, lui il avait des casquettes très multiples, puisqu'il était à la croisée entre le hardware, le software et l'homme public. Donc lui, il avait... Est-ce qu'on peut rappeler qui est Iwata ? Donc Iwata était le responsable. Enfin, ça a été, il a tout fait, quoi. Il était développeur. Il a bossé sur du hardware. Il a bossé société Al Laboratory. Il a été le représentant de Nintendo d'un point de vue public. Donc il a été jusqu'à créer justement représenter les modes de communication qui étaient ce qu'on appelait les Nintendo Direct, sur lesquels il se mettait en scène pour promouvoir justement les jeux Nintendo. Et donc il avait un petit peu toutes les casquettes chez Nintendo, beaucoup plus qu'un Shigeru Miyamoto, donc le fameux responsable le créatif de Mario, qui lui continuait à jouir de cette figure un petit peu membre honoraire de Nintendo, mais en termes concrets de créativité à être hors du circuit depuis comment dire très longtemps. Donc voilà, il était responsable donc de Nintendo en tant que producteur, en tant que comment dire dirigeant, et il a eu toutes les casquettes. Voilà, il était directeur général, il a été développeur, voilà. Pour le resituer très rapidement. Et donc le choc de l'annonce de son décès, je pense a secoué des choses qui peuvent tourner, pour certains fans de jeux vidéo en tout cas, autour justement de cette logique des auteurs, et ce que disait ce que vous disiez, Fanny et toi Adrien, sur comment est-ce qu'on arrive à avoir ce recueil d'infos ordonné. Ça devient de plus en plus compliqué, parce que même en allant sur les crédits d'un jeu vidéo, tout comme au cinéma, il faut quand même pas mal faire le tri pour savoir qu'est-ce que représentait chaque fonction. On sait aussi que les Japonais, c'est pas de l'acharnement, mais ont quand même une tendance à la dénomination dénominationnite aiguë de termes complètement alambiqué pour désigner des logiques très simples de responsabilité sur un jeu, et on se retrouve avec un truc où oui, finalement ce poste là de chief producteur assistant je ne sais quoi, ça veut dire quoi, telle personne a fait quoi. Je parle même pas d'un autre cas d'école que sont les musiques de jeux vidéo, où par exemple là on en est à la déduction. Je vais citer un ami et collègue podcasteur qui s'appelle Yacine Synapsas, qui est musicien lui-même de de son côté, qui a un podcast qui s'appelle Jeux vidéo et synapserie, et en gros il va pour démarcher lui-même les compositeurs, parfois japonais, pour confirmer ses propres intuitions d'écoute musicale. Donc on en est là. Déjà que sur la musique, entre guillemets, quand on a l'oreille et le talent de Yacine, c'est déjà complexe. Alors je parle même pas au niveau de la conception d'un jeu où tout ce qui est graphique ou code se dilue complètement, et où à moins de nous dire que c'est telle personne qui a fait tel jeu, voilà. Après se rajoute à ça que dans l'industrie du jeu vidéo, et pas seulement japonaise, venir vraiment mettre en avant chaque membre, ça reste encore très compliqué dans les mentalités. Se rajoute à cette couche-là qu'au Japon, la logique hiérarchique, c'est de mettre vraiment en avant celui qui va être, on va dire, représentant la figure publique d'un jeu. Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, ça va en faire rire peut-être certains qui ont pas ces logiques-là à l'esprit, mais je pense que la déformation professionnelle de Fanny rentrera en écho avec la mienne. C'est dramatique à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a une fuite d'infos et d'éléments qu'on ne récupérera en termes de recherche plus jamais. Ouais, c'est possible, parce que nous, on a l'habitude, hein, pour les livres, on va mettre l'auteur principal, puis on va lister tous les auteurs secondaires. Et effectivement, si dans le jeu, c'est pas fait dès le début, en fait, ces infos-là vont se perdre. Mais du coup, concrètement, toi, si tu cites un jeu, en fait, à la place de l'auteur dans une citation de livre, ça serait peut-être plus le studio, en fait, qui va prendre cette place-là. Oui, c'est ce qui va m'intéresser, ou alors d'essayer de nuancer. C'est-à-dire qu'en général, quand je dis telle personne était game designer, directeur ou slash réalisateur, parce que là aussi on a un problème au niveau même de la dénomination et des équivalences françaises. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas pour faire du chauvinisme, mais c'est déjà qu'on s'est pas penché là-dessus. Au niveau des appellations, c'est compliqué, parce que finalement, prendre le terme de réalisateur, est-ce qu'on n'est pas dans un amalgame du cinéma? Est-ce qu'il faut à tout prix utiliser le terme anglo-saxon? Ça, c'est encore un autre débat, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais par exemple, je donnais un exemple tout bête pour la promo du bouquin. Je publie 51 messages avant la sortie du bouquin, et je fais des petites fiches techniques qui ressemblent un peu soit du IMDB ou le compte Twitter, si vous le connaissez, qui s'appelle One Perfect Shot, qui est un compte Twitter qui va citer un film, va donner par exemple son réalisateur et un membre, on va dire, de l'équipe qui a été très emblématique. J'en sais rien, par exemple, si c'est Laurence d'Arabie, bah, ça va être le réal plus comment s'appelait-il, le compositeur des musiques, Legrand, je crois. Et là, pour le jeu vidéo, c'est très très compliqué, parce que non seulement ces infos-là, il fallait aller les chercher, éventuellement les confirmer si ça venait dans le cadre des interviews. Si ça ne venait pas dans le cadre d'interviews, il fallait éventuellement aller sur des sites qui recensent le staff, les crédits du jeu. S'ils n'étaient pas dessus, il fallait s'assurer qu'ils soient bons, les croiser avec différentes références, et puis si c'était pas ça, bah, il fallait soit ressortir le jeu, ça c'est l'extrême, mais ou alors trouver une vidéo par exemple d'un let's play, donc de ces joueurs qui filment leur séquence de jeu et qui vont jusqu'à la fin et qui ne coupent pas le staff du jeu, pour pouvoir être sûr que effectivement officiellement ce sont ces personnes là et encore, on n'est pas à l'abri. Il y a l'exemple d'un jeu, par exemple, de Suda 51, qui n'a pas souhaité, c'est expliqué un petit peu dans la biographie, qui s'appelle Michigan, et sur lequel il y avait initialement un directeur, donc un réalisateur, ça fait genre Sénégal, un réalisateur, et qui finalement n'a pas été recité même dans le bouquin, parce que on a senti que dans l'interview, il voulait pas aller plus loin, qu'il avait eu une expérience compliquée avec ce type-là, et qu'en gros, on ne saura jamais qui est le type qui avait posé l'ossature du jeu, qui a été reprise ensuite par un autre game designer qui s'appelle Akira Ueda. Donc voilà, ça donne des cas de figure complètement... Bon, après, ça existe dans d'autres domaines, hein, évidemment, qu'il y a des chantiers sur du cinéma ou des œuvres où on ne connaît pas forcément tous les contributeurs et contributrices. Mais c'est très complexe pour répondre à cette question de la ludographie précise. Ouais, et en fait, dans ton dernier exemple, t'as répondu répondu à une question que je m'apprêtais à poser. C'était justement en termes de paternité. Est-ce que ça s'est déjà vu comme certains réalisateurs de films, une fois le film terminé, disent « Ah non, non, ça c'est pas moi qui ai fait. Je sais plus quel est le nom, c'est... » Alan Smithy. C'est ça, Alan Smithy. Si c'est signé Alan Smithy, c'est que le réalisateur reconnaît pas son film. Du coup, est-ce que des réalisateurs slash directeurs de jeux vidéo peuvent, justement, quand le jeu dérive vers quelque chose qu'ils apprécient pas, lâcher et dire « Ah non, non, je suis pas, j'ai plus de paternité avec cette création. » Et bah, tu viens d'ouvrir un chantier très intéressant de réflexion, dans le sens où je pense qu'en termes d'investigation, tout particulièrement au Japon, mais non, pas que, ce serait très compliqué, mais probablement, en plus, ça m'étonnerait vraiment pas, parce qu'il faut savoir aussi qu'historiquement, dans le jeu vidéo, et encore une fois, au Japon, il y a tout un héritage du fait que donner son nom au départ était, j'irais pas jusqu'à dire tabou, mais mal vu, à la fois pour ne pas se mettre en avant plus que d'autres, et aussi parce que c'était une manière de pas être repéré par d'autres studios. Donner un pseudo, c'était une manière de, voilà, les autres studios viendront pas démarcher le mec ou la nana de manière nominative. Non, la seule chose que je peux répondre, c'est que c'est fort probable. Vu l'exemple que j'ai donné juste avant, c'est fort probable. Dans le jeu vidéo, je vois deux cas. Alors très particulier dans chacun. Le premier, c'est Deus Ex Human Revolution, qui a eu le droit à une director's cut parce qu'ils avaient sous-traité leur boss à une autre compagnie, et les boss étaient un des gros points très critiqués et critiquables du jeu, parce que Deus Ex est dans une démarche de liberté totale et de d'attitude non violente. Or les boss, on était obligés de les affronter directement. Et du coup, ils ont sorti une director's cut, donc une version du réalisateur, pour faire une traduction française, où on pouvait contourner ces boss en question. C'est le premier cas qui est très particulier, mais qui a été, entre guillemets, réapproprié par l'auteur. Et le deuxième, c'est une pure désappropriation, c'est le cas de Hideo Kojima sur Metal Gear Solid 5. Je pense que tu as peut-être plus de billes que moi là-dessus. Ah bah je pense que je peux te laisser continuer, hein, mais moi c'est fascinant. Je t'emboîterai le pas, peut-être te laisser déjà recontextualiser. C'est toi l'invité, c'est toi qui oui, mais c'est toi qui parle. Je suis extrêmement bavard, donc bon, écoute, tu me couperas au besoin pour non, ce qui est génial avec d'énormes guillemets dans cette histoire de Kojima, donc qui a été remercié, comme on dit politiquement, dans le monde du travail et de la finance aujourd'hui, c'est que on a retiré son nom des boîtes même du jeu vidéo. Et normalement, le fameux Hideo Kojima Game qui a été retiré. Mais alors, je dirais pas la pirouette, parce que pour moi, ça reste un mystère. Et d'ailleurs, peut-être que tu pourras en discuter avec moi, Adrien. C'est que avec cette démarche-là si flagrante, les créas de chez Konami ont quand même laissé dans le jeu, à l'ouverture de chaque nouvelle mission du jeu, le staff. Quasi, enfin pas complet, mais en tout cas une grande partie du staff du jeu dont le nom de Kojima à la fin. Donc c'est quand même dingue, c'est-à-dire ils se cassent la tête à se faire démonter médiatiquement par tous les fans de Kojima parce qu'ils ont retiré le nom de Kojima de la boîte, et ils laissent quand même dans le jeu, en le sortant, le nom de Kojima qui apparaît à la sortie de chaque début de mission. C'est quand même fascinant. Enfin, moi je me dis, en faisant du capillotracté, ça relève de l'acte manqué, il y a un truc, c'est pas possible. Enfin bref, voilà, c'est juste quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et je sais pas, ça, est-ce que c'est un jeu de Konami d'avoir, comme on dit, alimenté la haine pour faire parler justement du jeu et du nom de Kojima, et de se dire bah, qu'il ne ferait qu'en tirer que les profits, peu importe s'il s'en prenait plein la tronche, je sais pas. Voilà, si t'as une opinion là-dessus, je te laisse rembrayer. Alors effectivement, le cas de Metal Gear Solid 5 est intéressant, parce qu'effectivement, la série des Metal Gear est connue historiquement pour les tics politique de game design et d'effets cinématographiques, etc., dû à Kojima. Et en plus, on voit le nom de Kojima partout, dans à peu près tous les métiers qui tournent autour du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, dans Metal Gear Solid, premier du nom, c'est assez effrayant. Et dans le 5, ça manque pas, parce qu'effectivement, en fait, chaque mission est pensée un peu comme un film, avec un début où les militaires arrivent en hélicoptère, et à la fin, on repart en hélicoptère, avec encore ce générique. Et effectivement, et le nom d'Hideo Kojima revient extrêmement souvent, et je crois même qu'à certains endroits, il a utilisé des pseudos, histoire de ne pas mettre trop son nom. Donc ouais, ça, je ne sais pas, et... Et en plus, dans ce jeu, il y a tellement de passages où tu as l'impression que c'est Kojima qui te parle à toi, je trouve. Je spoilerai pas la fin, mais je trouve. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et où est-ce que je voulais en venir ? Je ne sais plus. Si, en fait, ce qui est en autre détail assez piquant et triste dans l'histoire de ce jeu, c'est que, en fait... Hideo Kojima était connu pour ses dépassements de budget, ses retards, et si bien que Konami, la société qui éditait donc ce jeu, a parfois pas viré des gens, mais en tout cas replacé autre part, au ménage par exemple des développeurs, ce genre de choses, avec un traitement des ressources humaines très particulière. Ce qui montre aussi une certaine conception, non pas peut-être d'artiste, mais d'artisan. Peut-être est-ce que tu rejoins cette avis, qu'on retrouve aussi un peu dans d'autres studios, parce que par exemple, on ne connaît pas le game designer derrière les derniers Deus Ex. Le premier, on a une vague idée, mais les gros triple A type Assassin's Creed, Call of Duty, on ne sait pas qui est le grand chef d'orchestre. Ou la grande chef d'orchestre, parce qu'il y a les femmes aussi, il y en a quelques-unes, je pense à Anna Entropy par exemple. Mmh, oui, il y avait Jade Raymond aussi qui a été très, très, très mise en avant et avec des capacités, contrairement aux écueils qu'il y a pu avoir dans la presse qui était plus sur des bashing dérives à la limite du Gamergate avant l'heure. Mais pour la notion d'artisan, oui, je te rejoins complètement. D'ailleurs, beaucoup, et c'est très véhiculé, je dirais, par... mais c'est aussi pertinent, très véhiculé par les critiques et les journalistes américains de jeux vidéo. La notion d'artisanat du jeu vidéo est très souvent accolée au Japon, avec le fait de... peut-être que... Bon, là c'est un petit peu simpliste comme parallèle, mais il y a quand même un rapport au Japon où lorsqu'on commence un projet, lorsqu'on est investi, quelque chose est démarré, il y a toujours là, ça a tendance à se gommer un peu, hein, mais il y a toujours cette dimension de... j'allais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais j'essaye de trouver le terme français, de perdre la face, voilà, dans l'idée de lâcher un projet finalement. Ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les productions japonaises, qui fait que ils affinent, et même si ça doit être long, voire avoir des dépassements de budget, bah, ils y vont quand même. Sauf que la réalité rattrape un petit peu les choses, et notamment les réalités économiques. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus le même argent dans le jeu vidéo qu'auparavant. D'aucuns diraient plus, mais plus forcément investi de la même manière. Et forcément là, ces réalités, je pense, ont rattrapé le jeu vidéo, en espérant qu'on n'aille pas jusqu'à une crise. Mais ironiquement... et là où je te rejoins, bon, tu citais Anna Entropy, donc qui est une figure emblématique de ce qu'on appelle le queer game. C'est la logique notamment de jeux, ce qu'on appelle DIY, donc les do it yourself, donc création de jeux par soi-même, de contrôleurs alternatifs comme ce qu'on appelle le makey-makey. Donc là on va vraiment dans de la construction entre guillemets basique et accessible à toutes les bourses. Je dérive un petit peu pour dire que c'est intéressant de voir la crise, pas forcément en termes de marché, parce qu'en ce moment les créas, enfin les grosses boîtes, éditeurs, développeurs continuent de s'en mettre plein les fouilles, mais la crise interne des créatifs. Ce que je veux dire par là, on n'a jamais vu une aussi grosse explosion de ce qu'on appelle les game jams, je vais réexpliquer juste derrière ce que c'est, que ces dernières années. Et ça, moi, pour moi, je pense que c'est pas une analyse de dingue, mais c'est symptomatique aussi, je pense, à la fois d'une évolution, parce que c'est une manière de maintenant on accède à des moteurs, soit en open source ou de choses comme ça, beaucoup plus simplement qu'il y a quelques années, et on peut créer des choses tout à fait sympas et décentes de chez soi ou juste avec un petit rassemblement de personnes. Mais je pense que c'est aussi très représentatif de la crise à la création et de la dimension d'auteur qui est une posture impossible très souvent, beaucoup d'appelés, très peu de retenue dans le jeu vidéo. Mainstream en tout cas, grand public. Il y a qu'à compter. Je pense que Adrien, pour avoir été sur certaines, voire partager des échanges avec des personnes, il y a qu'à voir le nombre de gens qui viennent de studios de jeux vidéo, de gros studios de jeux vidéo, qui sont de plus en plus présents sur des game jams, et pas seulement pour se faire un nom. Parfois, elles ont un boulot vraiment déjà posé et assuré dans des grandes boîtes de jeux vidéo, et finalement les game jams deviennent des bulles d'air, quoi. Ça devient d'oxygène, pardon, des moyens pour eux de peut-être de retrouver, de se rapprocher de cette notion d'autorat qui est très complexe et très et un peu une posture impossible à tenir en mode grand public, parce qu'il faut quand on regarde un Kojima, c'est l'exemple génial. Enfin, le type c'est Mr. Perfect, le gars il chapeaute tous les trucs, il a des concerts de louanges d'un Julien Merceron qui s'est occupé des moteurs graphiques, qui lui-même est une sommité, même au-delà du jeu vidéo, dans le domaine de la prog et de l'image de synthèse, et qui crie les louanges de Kojima et qui veut l'entendre. En plus, Kojima revient après sa promo, même après cette vie virée, en ayant fait des push-ups entre-temps, donc il a une figure qui assure pas mal. Enfin, voilà, c'est le type... parfait, il est taillé pour le job, Kojima, là-dessus. Je sais pas comment il fait, est-ce qu'il a la rage comme moteur, bon, tant mieux pour lui, mais c'est pas toujours une posture très tenable. On a le cas Phil Fish, par exemple, qui était très intéressant justement en termes de... Est-ce que tu peux expliciter le cas Phil Fish, quand même ça c'est pas gentil, ça, de faire ça à tes invités. Phil Fish, donc, qui était le justement, tu vois, déjà rien que le début est casse-gueule, co-créateur avec si tu peux m'aider... Je dirais Renaud Bédard, qui est au code. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. La fatigue n'aide pas, mais d'un autre côté, je vais pas tout mettre sur le truc de la fatigue. C'est, je pense qu'on a tellement eu une volée médiatique autour de Phil Fish que je n'ai pas spontanément eu le nom de Renaud avec. Et bref, tout ça pour dire que Phil Fish est rentré dans une phase en même temps que de promo, de bashing intense. Alors, juste une pause avant que tu termines, justement, sur expliquer sur pourquoi Phil Fish a posé la question d'auteur. C'est parce que Phil Fish est donc le créateur de Fez, qui a mis, je crois, entre 5 et 8 ans à sortir sur donc le Xbox Live Arcade à l'époque de la première Xbox. Et effectivement, le mec se présentait comme un auteur et a toujours défendu cette vision-là, avec un certain nombre d'hommages dans Fez, dans le jeu donc qu'il a fait. Faut savoir qu'en fait, au tout début de Fez, ils étaient deux, et en fait ce que montre le documentaire Indie Games Movie, c'est la confrontation, voire même presque le procès qu'il y a eu entre ces deux hommes pour Fez, pour le jeu Fez. Effectivement, après, Renaud Bédard est intervenu sur le code pour finir le jeu. Voilà, je te laisse peut-être terminer sur un peu le shitstorm qui s'est pris dans la tronche. Oui, qu'il a effectivement aussi alimenté, mais qu'il a dépassé. C'est juste que c'était un type, on va faire simple, c'était un type au caractère fort qui s'est retrouvé, vous dites ça dans votre bureau, au boulot ou à une soirée entre amis, vous allez vous faire la gueule par 5 à 10 personnes maximum. Vous dites ça sur internet, c'est des milliers voire des millions de personnes qui vous bâchent derrière, au point où il a disparu purement et simplement de la surface médiatique des internets. Et voilà, ça c'est intéressant. Bon, après, si on va sur c'est plus que l'autorat, c'est un peu la notoriété, etc. Mais on a le cas de Notch aussi, qui est le créateur de Minecraft, que lui aussi on peut vraiment qualifier de d'auteur d'une certaine manière, vu comment il a pris à bras le corps son jeu, et on voit l'état dans lequel il est aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est peut-être cet angle-là qui est à prendre, mais c'est plus un autre point pour définir la notion d'auteur, c'est peut-être quand les gens qui vont recevoir l'œuvre, et en particulier, vu qu'on est sur ludologie, parlons de jeu, c'est la dimension peut-être de quelque chose d'authentique qui transparaît dans le jeu. J'ai pris l'exemple de Jacques Tati, ce qui symbolisait Jacques Tati, par exemple, c'était à l'époque donc de la sortie de ses films, de la réalisation, c'était l'entraide. Il y a beaucoup d'anecdotes dans le domaine du cinéma qui expliquaient que on était quand même dans l'après-guerre, donc c'était pas super funky au niveau économie, et on avait quand même des acteurs qui acceptaient, en étant les réalisations de Tati, d'investir eux-mêmes dans le film. Donc déjà, ça dénote quelque chose d'une dimension qui dépasse le seul cadre de l'autorat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'aura, mais en même temps, il y a une participation vraiment à bras-le-corps. C'est ce qui fait peut-être justement que même les personnes qui injectent dans le film vont, je dirais pas s'effacer, mais faire place et rendre hommage et confiance au réalisateur. Il y a un autre exemple aussi qui est très connu dans le cinéma, mais où là, on est plus dans le côté entre amis, le côté débrouillardisme est vraiment plus entre amis et plus à la cool. C'est le cas de Zombie de George Romero, qui finalement est un truc qui a été fait. De Night of the Living Dead, donc la nuit des morts vivants, je suis désolé. Qui a été fait finalement par un groupe de potes. Hein. Quand on compte acteurs et réalisations compris, je crois qu'ils sont quelque chose comme une dizaine. Hein. Un truc comme ça, de mémoire. Donc là, on a quelque chose qui est à la fois dans l'artisanat, le côté plutôt fait main, de bric et de broc, et de montrer qu'on peut faire un cinéma, et même plutôt un contre-cinéma, enfin au sens de contre-culture. Et puis, le cas, moi en tout cas, dont je pourrais parler le mieux, et c'est le cas justement de Grasshopper, qui est à la fois son identité visuelle, sa philosophie, qui est à la fois... paradoxale et intéressante de Punk is not dead, enrobé dans un énorme bonbon de pop culture japonaise et parfois à la limite de cool Japan. Je parlais de Lollipop Chainsaw en tout début du podcast. C'est quand même un hommage au film de zombies avec une pop home girl qui reprend son énergie avec des sucettes, avec un côté Lolita, et qui tronçonne des zombies de haut en bas avec des gerbes de sang et d'arc-en-ciel, donc ça donne un ordre d'idée. Là c'est à la fois l'identité visuelle et puis la manière dont finalement s'est fondé le studio, c'est-à-dire que le studio, et il faut savoir, ça c'est un petit peu plus développé dans la biographie, mais que c'était un concours qui était ouvert à l'époque chez une société qui s'appelait ASCII, via Human. Donc il y a eu des appels d'offres où on laissait la possibilité à des créatifs justement et avec moyennant un certain financement, de lancer un premier jeu, et que si le jeu était suffisamment convaincant, il pouvait être avoir un tremplin, notamment entre autres choses financiers, qui leur permettait de monter leur boîte. Il faut savoir que Souda s'est fait sa société Grasshopper comme ça. C'est peut-être, pour rebondir sur la dimension d'artisanat que t'évoquais avant, c'est peut-être une manière de résumer aussi une certaine forme de ce que peut être l'auteur. Si, moi j'avais... j'ai une question provoque, j'aime beaucoup. Ce qu'on a parlé de Notch, et de... Donc Notch, le créateur de Minecraft, et Phil Fish, le créateur de Fez. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des auteurs alors que a priori, ils n'ont qu'un seul jeu à présenter? On ne peut pas parler d'œuvre, après tout. Ah ouais, pas mal. J'aurais presque envie de citer une insulte d'un nanar que les gens connaissent beaucoup, Hitman Cobra, mais les vrais savent. Je m'abstiendrai. Blague à part, oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'une création fait œuvre au sens fait date et fait auteur? J'ai pas vraiment de réponse. Moi je dirais, je vais mouiller quand même avant que tu répondes, histoire que je passe pas mon entre-deux tiédasse. Moi je dirais que quand même oui. quand même oui, au sens où c'est vrai que peut-être alors je sais pas si la question est orientée comme ça, mais c'est vrai que dans le cinéma, dans la littérature aussi hein, mais dans le cinéma on la retrouve beaucoup sur l'idée notamment de la posture de critique, de pouvoir voir comment sur le long d'une carrière se développe ou se répète le motif d'un créateur et évolue son cinéma ou son écriture. Mais je sais pas, est-ce qu'une seule, il y a quand même des cas aussi de créatifs soit maudits ou soit malheureusement que des fois la vie a emporté trop tôt, c'est une autre réalité où on peut quand même peut-être parler de notion d'auteur. Mais voilà, je te rends la parole parce que sinon je vais soliloquer. Pour ta défense et pour boucler en fait sur cette question qui est vraiment une question piège, là je l'avoue. En fait non, ils n'ont pas qu'un seul jeu chacun. Notch a notamment travaillé chez le créateur de Candy Crush. Il faut savoir, il disait que c'était une très très bonne école. Il a fait plein de non, c'était chez Candy Crush et aussi chez Armor Games. Vous savez ces petits jeux flash gratuits. Il disait que c'était une très très bonne école et Phil Fish, il me semble que Fez était son troisième jeu. Il avait fait deux autres jeux indés, d'ailleurs il en parle dans Indie Games The Movie, et du coup là il est au quatrième là, avec le truc qu'il a fait sur PSVR, mais je sais plus le nom, Hypercube je crois, voilà, juste pour boucler la question. Après, moi j'entendais, par rapport aux précisions que tu viens d'apporter, pour Notch, je l'ignorais, pour Phil Fish, effectivement, j'avais déjà lu ça et là, mais c'est qu'est-ce que aussi tu comptes comme création, c'est-à-dire est-ce que tu comptes forcément que la personne ait été, comme on disait plutôt directeur ou quoi ou qu'est-ce, ou est-ce qu'une avec d'énormes guillemets, une simple participation à la création d'un jeu, quel que soit le poste, peut dénoter quelque chose d'un auteur. Voilà. Chacun son tour. Oui, mais au même titre qu'un réalisateur de film, est-ce que s'il a été accessoriste sur un autre film, on peut considérer que ça fait partie de son œuvre. Mais c'est vrai que c'est complexe. Après, je n'ai pas d'exemple en tête et ça m'a vraiment frustrée de ne pas avoir mon réflexe smartphone en fait que j'ai eu à l'instant. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire quand même. T'es en pleine émission, le fact-checking, et voilà, et je suis sûre qu'en cherchant un peu, on trouverait des listes entières d'auteurs de littérature, de cinéma, n'ayant qu'une œuvre à leur actif, et qui sont considérés comme des auteurs, en fait. Mais c'est aussi pour ça que c'était un détour quand même un petit peu réfléchi, je rassure l'audience, que je parlais de Game Jam et de logique de do-it-yourself. D'ailleurs... Oui. Juste, t'as pas expliqué ce que c'était Game Jam et t'as dit deux fois que t'allais le faire. C'est donc vrai. Du coup, je te laisse commencer par ça. C'est vrai, je me tape sur la main pour faire foi. Voilà, ça c'est très podcastique. Mais donc les Game Jams, c'est un rassemblement donc sur une période donnée qui peut aller, puisqu'on peut avoir des micro Game Jams. Je crois que les plus courtes sont de l'ordre de j'ai déjà vu des micro Game Jams d'une heure, voilà, des fois hein, sur le concept, des choses comme ça. Adrien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, et qui vont en général plutôt de 24 à 48 heures, voire 72 heures, avec la Global Game Jam qui se profile justement d'ici peu. Je crois le 18 janvier, si je ne m'abuse, dans quelques jours. Ça consiste à créer un jeu sur un temps imparti. Un jeu où ce qui va s'en rapprocher le plus. Voilà, une expérience de jeu. Et ce qui est intéressant, c'est tout l'équilibrage qui est à faire des équipes pour savoir si ils vont mettre l'emphase plutôt sur un élément qu'un autre. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant quand on parle par exemple de mauvais jeux ou de. Comme on peut parler de mauvais films ou de choses comme ça, on avait d'ailleurs avec les copains du podcast Je Game Moi Non Plus fait une émission là-dessus avec un critique journaliste qui s'appelle Patrick Helio qui est sur lui-même sur le podcast Silence on Joue de Libération, et on se posait la question finalement autour d'un mauvais jeu, est-ce qu'il y a fondamentalement des mauvais jeux, parce que il y a souvent parfois des expériences de jeu qui ont tellement mis l'emphase sur un élément précis, ça va être la musique ou pas forcément peut-être la prise en main qui va être un peu plus chaotique ou difficile d'accès, mais est-ce que pour autant ça en est pas une expérience ludique? Bah si, il faut des fois peut-être faire un peu plus d'efforts que des jeux qui ont été globalement mieux pensés, mieux débuggés, mais ça n'empêche pas. Donc voilà, ça m'a permis de rembrayer en plus de définir la notion de game jam et de dire que si j'en avais parlé de game jam tout à l'heure, c'était pas pour rien, et notamment par rapport à ta remarque Fanny que j'ai déjà perdu, excuse-moi, tu parlais de fact-checking et oui, je disais qu'il pouvait y avoir des listes entières d'auteurs n'ayant qu'une œuvre à leur actif et ce sont des auteurs. Oui, voilà. Et ça par exemple, c'est intéressant parce que même plus précisément, tu disais que il y en a certains qui étaient peut-être j'en sais rien chef op ou assistant ou quoi ou caisse, ouais. Mais est-ce que ça en fait entre guillemets des auteurs ou pas? Ce qu'il faut savoir aussi pour revenir un peu à la logique de la politique des auteurs dans le cinéma, c'est qu'à l'époque, avant que ça commence à se syndicaliser, que ça commence à être aussi plus accessible d'un point de vue technique, c'était la réal et c'était un truc très compliqué. C'était très très compliqué. Il y avait très très peu de réalisateurs dans les années 50-60 parce que c'était inaccessible. Et aujourd'hui, d'où mon parallèle avec les game jams, c'est que ce sont on passe outre les dimensions techniques parce que maintenant on peut avoir des on a du Unity par exemple pour ne citer que ce moteur de jeu là qui permet de faire des trucs très intéressants pour peu qu'on maîtrise un minimum le moteur de jeu. Pareil au cinéma, c'est-à-dire que maintenant il y a des merveilles qui sont créées des fois limite avec des smartphones ou pour qui ne connaît pas, il y a Dupieux qui est le réalisateur de la trilogie de ce qu'on appelle le 5D qui est en fait un réflexe numérique de chez Canon qui a créé, donc la trilogie c'était Rubber, Wrong Crops et Wrong je crois, qu'il a filmé uniquement avec ce 5D qui est un truc au regard du cinéma et des caméras de cinéma excessivement accessible. Donc la notion d'auteur elle est complètement bouleversée par ces logiques là aussi. Je me rends compte qu'on n'a pas évoqué là maintenant je pense que ça fait un peu plus bien maintenant, on a dit l'auteur de jeu existe, jeu de société, jeu de rôle, jeu vidéo, ok. Et maintenant, si ces auteurs sont volés, sont spoilés, sont plagiés, comment on fait? Est-ce que ça existe dans ce que tu connais, la notion de plagiat? Parce que c'est vrai que, est-ce qu'on peut plagier une mécanique? Est-ce qu'on peut plagier, je ne sais pas, ce game feel parfois que décrivent certains? Et est-ce que ça sera reconnu comme plagiat? Alors, je vais rester vraiment sur des généralités parce que j'aurais peur de dire des bêtises là-dessus. Je crois qu'il y a une base, entre autres, très, très sourcée sur le site de l'AFJV, l'Agence française du jeu vidéo, sur les cas justement juridiques autour du jeu vidéo. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des éléments. Mais avant que les auditeurs et auditrices coupent le podcast, se mettent en pause ou le finissent avant d'aller vérifier, je vais prendre un cas de figure qui est le cas, par exemple, Frédéric Rénal, qui était un des créatifs du jeu Alone in the Dark, qui a été reconnu seulement depuis très peu crédité à hauteur de son poste, et c'est un truc qui a duré je crois 15-20 ans quoi avant que ça ne soit reconnu. Après, de manière plus globale, on a ce qu'on appelle les patents, donc qui sont comment trouver un terme équivalent, c'est du droit des... Pardon, non, j'ai déjà essayé de traduire ça et je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Donc en gros c'est du droit déposé sur des logiques on va parler de ce dont on parle, à savoir de ludologie, des logiques de jeu. En gros, typiquement pendant plusieurs décennies, il y a eu l'histoire, je sais pas si ça a été levé entre temps, mais l'histoire des mini-jeux de transition dans un jeu vidéo vidéo a été détenue par Namco. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir un mini-jeu dans un autre jeu pour patienter, par exemple, pendant un temps de chargement, bah, c'était un truc qui était uniquement la propriété de Namco. Ils avaient dans le jeu, je crois, Ridge Racer, vous aviez un jeu rétro à eux de voiture qui permettait de patienter pendant les temps de chargement, enfin des petites bêtises comme ça. Après, il y a des cas plus large où effectivement les patents permettent de mettre en place des limitations sur ne pas réutiliser exactement la même mécanique, où on a des patents hardware aussi, c'est-à-dire une croix de manette, bah la croix Nintendo, il y avait un patent dessus, pour donner un exemple entre autres. Mais je suis pas excessivement pointu sur ces droits-là en termes de droits d'auteur, qui est, je pense, encore quelque chose de très balbutiant, je pense, en règle générale. Oui, puis en plus, il y en a beaucoup qui relèvent du brevet, qui ne relèvent pas du droit d'auteur, justement, en fait. Ça relève du droit technique, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, les droits techniques, beaux et commerciaux. Mais c'est pas du droit d'auteur à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est encore plus complexe. Et ouais. Et je crois que le pire du pire revient aux musiques, et pas forcément puisqu'on parle beaucoup de création de mécaniques de jeu, etc. Mais c'est vrai que les musiques, limite dans certaines expériences de jeu, peuvent être en soi des mécaniques de jeu. Et là, c'est un sac de nœuds pas possible en général. Et je ne parle même pas de notre chère et douce France où les joies de la SACEM, je pense, ont fait perdre beaucoup de cheveux à beaucoup d'artistes. Voilà, qu'on salue. Ouais. Et du coup, ça me donne l'idée d'une question. Je ne sais pas du tout si tu auras la réponse, mais je pense à ces écrits qu'on trouve dans certains jeux. J'avais l'idée, par exemple, Dragon Age, où j'ai passé beaucoup de temps à lire tous les livres qu'on trouvait qui racontaient l'histoire de la déesse Lumière, je ne sais plus ce que c'était. Je me dis, est-ce qu'il y a un droit d'auteur sur ces écrits-là qui sont dans... Non, ce sont des livres qui sont dans le jeu. Sans la bibliothécaire, quand même. Ouais, c'est un peu exception, quand même. Non, je blague, parce que finalement, il y a aussi tout l'univers des Elder Scrolls qui a rendu ça extrêmement un truc qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo. Mais tu as anticipé, je n'ai absolument pas la réponse. C'est une très bonne question, mais je n'ai pas, la réponse. Oui, je dirais que non. Ceux qui vont nous écouter, n'hésitez pas à tweeter ou sur Facebook, en fait. Moi je chercherai de mon côté, mais voilà, c'est une question qui m'intrigue. Voilà, alors effectivement, je pense qu'on peut pas éditer les chroniques de Vivek ou de je sais pas quoi dans Dragon Age ou dans Elder Scrolls. Je pense pas qu'on peut les publier comme ça et les vendre. Je pense que, bon, à mon avis, Bethesda et l'éditeur de Dragon Age vous met un procès aussi sec. Mais il y a un cas de pas de plagiat, mais disons de contrefaçon, dirons-nous, qui est assez connu dans le cas du jeu vidéo. C'est le cas de Crazy Taxi et de son espèce d'équipe. Offspring. Oui, c'est peut-être Offspring, enfin celui qui est de... Non, je confirme, c'est Offspring, oui. Avec les Simpsons. Hein ? Ah non, tu parlais de Crazy Taxi. Ouais. Et en fait, Crazy Taxi, je crois que c'est Sega l'éditeur. L'éditeur a porté plainte contre ceux qui ont fait un jeu Crazy Simpson, quelque chose comme ça. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. J'ai anticipé parce que je croyais que tu allais parler des musiques dans Crazy Taxi, qui sur la première édition de Dreamcast à l'époque étaient les musiques d'Offspring, une grande partie de la BO, qui a été virée ensuite pour les rééditions. Excuse-moi. Ah bah j'ignorais, tu vois là. Et non, effectivement, sur le cas donc de Crazy Taxi, moi je pensais à l'autre sens, c'est que en fait Sega, donc le propriétaire de Crazy Taxi, a réussi à faire valoir ses droits par rapport au jeu des Simpsons, qui était une repompe de Crazy Taxi. Et en fait, ils n'ont pas réussi à le faire sur le gameplay, sur l'environnement, etc. Ils ont réussi à le faire sur la flèche qui indiquait l'objectif. Et donc vraiment sur le brevet technique de cette flèche. C'est-à-dire que par exemple, GTA ne peut pas mettre de flèche, etc. Et comme tu as parlé aussi des mini-jeux dans les temps de chargement, c'est marrant de trouver les parades, de voir les parades qu'ont fait certains studios pour éviter justement ce procès coûteux. Et je pense typiquement à Bayonetta. où ils ont qualifié ça d'entraînement et non pas de mini-jeu, parce qu'on pouvait entraîner à ce que notre personnage fasse certains coups et apprendre de nouvelles. En plus, pour Bayonetta, ça frise le génie. Bon, on sent à peine le fan qui parle, parce que c'est aussi très représentatif des séquences de training qui sont en général avec des visuels au fond très très pauvres. Donc, en gros, non seulement je pense qu'ils ont calculé le truc à l'avance pour éviter d'avoir des soucis après. Et en plus ça restait cohérent avec tout l'héritage des jeux de combat en règle générale chez Capcom et ailleurs. Ouais. Comme s'apprêtait à dire Adrien, on a atteint l'heure 10 d'enregistrement et je pense qu'on a fait le tour quand même. Alors pas le tour de la question, mais on a quand même évoqué beaucoup de choses, hein, la notion d'auteur, la ludographie, le plagiat, voilà, on a vu beaucoup de choses en prenant beaucoup d'exemples. Et je voudrais terminer sur une dernière question, puisqu'on a demandé ça à la plupart de nos invités. Est-ce que tu peux nous évoquer ta dernière expérience de jeu ou une expérience de jeu récente qui t'a marqué ? Et là, ça peut n'avoir aucun rapport avec tout ce qu'on a évoqué. C'est juste, c'est ton petit temps à toi pour nous faire partager une expérience de jeu. Alors c'était une expérience de jeu dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Overgame, qui a eu lieu à la Maison des Métallos à Paris, dont le commissaire était Simon Bachelier, et j'y ai découvert un jeu au-delà de la scénographie qui était vraiment très très chouette et à saluer. C'est le genre de cas où vraiment on sent que les choses avancent en termes de scéno et de réflexion autour de comment exposer le jeu vidéo. Donc j'ai découvert un jeu, j'aurais peur de... c'était Perfect Woman. Alors c'est un jeu qui reprend le Kinect de chez Microsoft. Donc finalement je vais faire la blague que tout le monde fait, Microsoft qui fournit je pense toutes les expositions de jeux indés depuis ces dernières années et absolument pas leur console. Au-delà de la blague, donc c'est un jeu où on incarne, comme son nom l'indique, on essaye d'incarner une certaine vision de la femme parfaite qui en fait se décline en plusieurs femmes. Alors c'est très difficile à... Le concept de jeu est très simple, parce qu'en gros ça ressemblerait presque à une forme de Just Dance, que vous avez pendant les phases, les séquences de jeu, vous avez une silhouette à l'écran colorée détourée qui va prendre certaines positions et vous devez prendre les mêmes positions. Jusque là tout va bien. Ce qui est très drôle et intéressant, c'est tout le discours qu'il y a justement sur les degrés de posture tenable, et là je parle au niveau symbolique et métaphorique et social, des différentes femmes incarnées, parce qu'il y a différents niveaux de difficulté qui vont on va dire de choisir la facilité, c'est-à-dire faire des études, avoir une certaine aisance à pouvoir avoir des choix de carrière ou en gros plutôt consensuel, etc. Ou choisir de vivre une vie de marginal, hein, tout ça avec évidemment l'iconographie de discrimination faite aux femmes et faite en règle générale d'ailleurs. Et donc ça va être au début, soit vous allez choisir d'être nouvellement femme au foyer ou ayant trouvé un bon parti, un truc comme ça, ou d'incarner une batteuse dans un groupe underground qui joue dans les bois. Et en gros, j'ai trouvé ça décrit comme ça. J'essaie de décrire le côté un petit peu rigolard, mais c'est extrêmement finaux. Ça marchait. Preuve que c'est extrêmement finaux, c'est que ça marche à différents niveaux, parce que on se retrouve dans les degrés de difficulté des derniers niveaux en fonction du destin qu'on a choisi. D'ailleurs, je suis mort à environ 60 ans, parce qu'on peut mourir à un certain âge en fonction de si on rate les tableaux qu'on fait. Donc j'ai été tour à tour petite fille qui confectionnait des jouets ou des baskets à 5 ans, puis chasseuse de baleines, puis femme politique à l'ONU, un truc comme ça, et je suis morte en une espèce de Christine Boutin dont le rôle était, que je me souvienne, c'était réaction face à notre fille qui veut se transformer, veut changer de sexe pour se transformer en homme, Et après, la traduction était à rectifier, mais je pense que c'était écrit plus subtilement dans le jeu original. Mais c'était très intéressant, parce que comme vous voyez, il y a aussi des dynamiques de réflexion, de discrimination, pas seulement des femmes, mais de personnes transgenres. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement chouette, la métaphore de la posture d'enjeu par rapport au Kinect, qui finalement devient des fois une posture intenable. Vous doutez bien, quand on prenait des rôles plus consensuels comme femme mangeuse d'hommes entre guillemets pour ascension sociale, bah les positions étaient beaucoup moins compliquées que celles où vous êtes genre femme dépressive qui fait le deuil de son qui doit faire le deuil de son fils qui meurt du cancer. C'est ça aussi été un des rôles que j'ai oublié, que j'ai eu dans ma vie de femme. Et voilà, je résume à peu près. C'est très particulier à résumer, c'est vraiment typiquement le genre d'expérience de jeu. J'ai l'impression d'être un peu un vendeur lors de l'E3 ou du Tokyo Game Show, mais qu'on vit, quoi. C'est difficile à décrire comme ça, c'est pas trop un truc qu'on peut se projeter autrement qu'en jeu. Et je salue vraiment, au-delà du jeu, bah, l'exposition Overgame qui était très très chouette. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour cette. Pour toute cette heure qu'on a passée ensemble. Donc c'était Mehdi Debabi Zourgani. Vous retrouvez donc sa biographie des travaux de Souda 51 et de Grasshopper Manufacture, coécrit donc avec Florent Gorge aux éditions Pix & Love. Ça sort en février, si j'ai bien... Mi-février, au plus tard. Mi-février, ce sera là. Voilà, mais j'en reparlerai. Et est-ce qu'il y a un nom officiel? Parce que bon, tant qu'à t'avoir, parce que. Oui, c'est effectivement, bah c'est amusant parce que j'en parlais pas plus tard qu'avant l'enregistrement. Donc c'est Souda 51, le punk japonais, le punk du jeu vidéo japonais. Voilà, histoire de rester cohérent avec le bonhomme. Et sinon, si vous voulez suivre ça d'un petit peu plus près, il y a aussi mon Twitter à d_Mehdi où vous pouvez soit retrouver des petites pastilles sur les jeux Souda 51 ou des gifs de chats que des fois on s'échange avec Adrien, ou des bêtises avec des toucans, des choses comme ça. Voilà, pour retrouver tout cet univers, vous savez où aller. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, jouez tant qu'on a le droit. Merci à tous.